Chapitre 7e. Le drame dit de la Passion vient de s'ouvrir. En cette narration, les évangélistes ne s'entendent pas plus que sur le reste. Ceux qui prétendent y avoir assisté n'ont rien vu de ce que racontent ceux qui n'y étaient pas. Cependant, sur la mort d'un Dieu venant racheter le monde et sauver les hommes, la concordance aurait dû être absolue. C'est ce qui n'a pas lieu, et bien plus, l'histoire est muette sur un événement unique dans la vie de l'humanité, accompagné de circonstances extraordinaires et qui se serait passé publiquement dans la capitale de la Judée. L'entrée bruyante du prophète alarma les habitants qui se rappelaient avec quelle rigueur les Romains avaient réprimé une insurrection récente. D'autre part, les prêtres, les docteurs de la loi, tous ceux qui vivaient de l'autel, étaient anxieux de savoir quelle réception le peuple de Jérusalem, si turbulent, ferait au prophète de Nazareth. Le premier acte de Jésus est anticlérical. Opposé comme les anciens prophètes aux sacrifices et à la plupart des cérémonies cultuelles, il chasse, aidé de ses partisans, les marchands qui vendaient des animaux pour les sacrifier et les changeurs qui vendaient la monnaie officielle. Aux pharisiens, les cléricaux de l'époque, qui lui demandent de quel droit il agit ainsi, Jésus répond. Il est écrit « Ma maison sera appelée la maison de la prière, et vous autres, vous en avez fait une caverne de voleurs. » En d'autres termes, vous escroquez l'argent du public en vendant des récompenses futures auxquelles vous ne croyez point. C'est donc la guerre déclarée au cléricalisme et aux abus qu'il entraîne après lui. Les prêtres ne pardonnent pas les atteintes portées à leurs recettes. Les sacrifices en étaient le plus clair. Ils résolurent donc de perdre celui qui s'opposait à leur simonie. Avec l'attitude qu'avait prise Jésus, c'était facile. Ils lui tendirent des embûches, lui firent poser des questions captieuses, telles que celle du denier de César, dont il se tira par une spirituelle équivoque, et d'autres où sa finesse déjoua toutes les tentatives, de telle sorte que nul n'osa plus lui faire de questions. Matthieu, chapitre 22, verset 46.